Mais, pressé par sa mère de rentrer à Nogent, il y apprend que leur fortune est dilapidée et qu'il ferait mieux de rester en province. Frédéric demeure donc auprès de sa mère et se fait engager chez un avoué. Il fait la connaissance de Mademoiselle Louise, fille du père Roque, son voisin. Il s'habitue difficilement à la vie provinciale, surtout lorsqu'il apprend que Deslauriers a recueilli chez lui Sénécal, socialiste révolutionnaire radical. Mais le 12 décembre 1845, après 3 ans passés à Nogent, il reçoit une lettre lui léguant l'héritage de cet oncle mort sans avoir fait de testament. Il repart pour Paris sur le champ, oubliant presque de dire adieu à Louise, la fille du père Roque, visiblement très émue de son départ. Frédéric arrive le lendemain matin à Paris. Il court à la maison d'Arnoux, mais celui-ci n'y est plus. Déboussolé par cette disparition, il cherche à retrouver Pellerin, Hussonnet, en vain. Après avoir fait la tournée des cafés de Paris, il retrouve enfin Regimbard, qui lui révèle qu'Arnoux a déménagé à Creil et s'est reconverti dans la faïence. Lorsqu'il arrive chez Arnoux, il est surpris par le peu d'effet que lui cause la vue de Madame Arnoux après 3 années d'absence. Elle a à présent un petit garçon, Eugène. Quant à Deslauriers, il a été recalé à sa thèse de droit et a décidé de ne pas la repasser. Il se consacre à une thèse plutôt socialiste et semble sous l'influence de Sénécal. C'est alors qu'Arnoux l'amène à un bal costumé chez une de ses maîtresses, Rosanette, surnommée la maréchale. Frédéric y retrouve Hussonnet et Pellerin et il est mal à l'aise dans cette réception mal organisée.